t'es le fait de te connaître encore et encore. Ressentir si fort mon bien-être au fond de ton corps. T'aimais bien plus fort que je n'aime l'effet de la poudre. T'envisager en pleurer puis te résoudre. Juliette, Juliette, dans ton corps je vis. Juliette, Juliette, lumière dans ma nuit. Juliette, Juliette, dans ton corps je vis. Juliette, Juliette, lumière dans ma nuit. Voir ton sourire comme un grand phare qui éclaire mon âme. Perdu au milieu du brouillard, t'appeler ma femme, me consumer à petit feu, mais dans tes bras, revivre enfin, mourir un peu accro à toi. Juliette, Juliette, dans ton corps je vis. Juliette, Juliette, lumière dans ma nuit. Juliette, Juliette, dans ton corps je vis. Juliette, Juliette, lumière dans ma nuit.